après Monaco et Marseille, des biens. Ici Nicolas Martel. Je vous invite du 13 au 16 septembre à venir assister en grand nombre au 48e championnat mondial de pétanque avec plus de 48 pays participants. Également, la tenue du festival des biens extrêmes avec la plus grosse sourcière au monde, la chaise musicale géante, le championnat mondial de pédalo et plusieurs autres activités seront à l'honneur. De plus, en soirée, trois spectacles de Québec Cime, partenaire majeur de l'événement. Pour achat de billets ou informations, consultez le site web et le Facebook de la ville de Lévis. On va parler avec Jacques Doucet. Ça fait un bout qu'on n'y a pas parlé. Salut Jacques! Comment ça va, Daddy? Ça va bien, ça va bien. Jacques, je suis plus les Fisher Cats du New Hampshire actuellement que les Jays. Ils sont en finale. Ils sont en finale, puis ils mènent 2-0. Puis troisième match a lieu ce soir au New Hampshire. Ils ont gagné les deux matchs à Akron. Il y a des joueurs là-dedans, tu sais, il y a des joueurs. C'est encourageant pour les Blue Jays, par exemple. La relève s'annonce très bonne. Ah, regarde, moi j'ai vu les expos, ça, je marquais sur les médias sociaux, j'ai connu, Jacques les a connus aussi, les a suivis aussi. C'est toi que je suivais dans ce temps-là. Quand les Randy Johnson, Marquise Grissom sont arrivés, ils étaient des mineurs pour les voir arriver. Les Jays, ça me fait penser un peu à ça. Ben écoute, c'est une équipe qui a tout rebâti son système de filiales. Ouais. Et que ce soit Alex Antopoulos avant l'arrivée de Shapiro et compagnie, il y avait une bonne base, mais eux ont vraiment regarni. Parce que dans le cas d'Antopoulos, lui, il avait relativement vidé le réseau de filiales afin de bâtir une équipe qui pouvait aller pour la Série mondiale. Et deux fois, ils ont frappé à la porte, ils se sont rendus en finale de la Ligue américaine avant d'atteindre, mais ils ont été battus. Mais présentement, l'avenir, je te parle pas pour l'immédiat, mais peut-être d'ici deux ans, ça annonce très prometteur. Ouais, effectivement. Donc, c'est 2-0 ce soir, les Fisher Cats. Je sais pas si c'est un 4-7 ou un 3-5, par exemple. Ça, je peux pas vous le dire, mais en tout cas, ils sont en excellente position. Jacques, il y a des rumeurs qui circulent. Ça a circulé, ça a été démenti par le principal intéressé. Par contre, à New York, on continue, semble-t-il. Mark Shapiro pourrait devenir le président des Mets. Est-ce que tu y crois, même si ça a été démenti? Bon, ça a été démenti. Écoute, il n'y a jamais de fumée sans feu, là. Ouais. Je te dis pas qu'il n'y a pas eu des tentatives plus ou moins ouvertes de voir si Shapiro serait intéressé à quitter Toronto pour aller prendre le grand poste chez les Mets. On a toujours une petite idée que la métropole américaine, New York, tu sais, c'est quelque chose qui est attirant. D'après ce que je lisais sur l'Internet, c'est que Shapiro était un très bon copain d'Omar Minaya, qui présentement est le directeur général intérimaire chez les Mets de New York. Alors, seul l'avenir va nous dire, mais présentement, je pense que Shapiro est intéressé de voir de quelle façon les deux prochaines saisons vont se dérouler chez les Blue Jays avant de prendre une décision à savoir s'il quitte ou non. Mais Jacques, dans le cas des Mets, il faudrait qu'il se passe de quoi tantôt, là, parce que tu sais, ils ont toujours été derrière les Yankees, mais tu sais, ils peuvent pas être longtemps. Il faut qu'ils reviennent compétitifs, les Mets. Je lisais encore aujourd'hui que finalement, Captain America, Wright, va disputer son dernier match, même s'il va laisser énormément d'argent sur la table, mais il est vraiment sa santé, il l'oblige à prendre cette décision-là, il n'est plus en état. Alors, il va jouer un dernier match avec les Mets, et ensuite, ce sera son match d'adieu. Ah, effectivement, Wright, il y a eu des blessures dans le cas de David Wright, hein? Toujours blessé. Ouais, effectivement, ça aurait été un genre de Matt Williams qu'à l'époque, là, mais finalement, les blessures l'ont rattrapé. J'en reviens aux Jays. Exactement. J'en reviens aux Jays. Beaucoup de jeunes actuellement. Il y a un jeune qui surprend beaucoup. Lui, l'année passée, a connu une saison dans le 3 très difficile. Cette année, ça s'est amélioré, mais Randy Tellez, là, au premier but, là. Il a le physique de l'emploi pas mal, là. Un gros bonhomme, un gros cible au premier but, frappeur de puissance. C'est surtout un frappeur de double. Ouais. Je pense pas qu'éventuellement il pourrait frapper 35 à 40 circuits dans le baseball majeur. En 25 et 30. C'est un gars qui pourrait frapper une trentaine de doubles, par exemple. Ouais. Lorsqu'on l'a vu, ses premiers pas avec les Blue Jays, Il a frappé 6 coups de 2 buts à ses 3 premiers matchs. C'est tout de même un exploit assez remarquable. Ouais. Et on voit qu'il adore frapper dans les allées. Et c'est comme ça qu'il réussit ses doubles. Mais comme on le mentionne souvent, Roger et moi, dans nos reportages à TVA Sport, il faut faire attention au succès qu'un jeune connaît au mois de septembre. Mm. L'an dernier, on était un petit peu sceptique avec Théoscar, ouais. Mais ça l'a débordé au camp d'entraînement. Il a connu un camp d'entraînement exceptionnel. Mais là, présentement, on voit, oui, c'est un bon frappeur, mais il est toujours vulnérable pour la balle cassante au coin extérieur. Il semblait pas être capable de lire la trajectoire de la balle pour la glissante. Et aussi, en défensive, il y a énormément de travail à faire. Et je pense qu'il se sent un petit peu menacé avec l'arrivée de Billy McKinney. McKinney, lui, a l'avantage d'être un frappeur gaucher pour ça. Ouais. Dans le cas de Théoscar, je pense que ça va être un 4e voltigeur. Ben, on verra. Écoute, faut réserver encore notre jugement dans le cas de McKinney. Ouais. Il connaît un début de carrière chez les Blue Jays assez exceptionnel. J'adore son attitude au champ extérieur comme voltigeur. On voit qu'il a une certaine vitesse, mais on ne l'a pas vu tenter un seul vol de vue encore. Ouais. Mais ça... dans le cas des Blue Jays, on cherche toujours un frappeur de premier rang. Ben c'est ça, justement. Là. Donc, d'accord, McKinney, ça pourrait être le fameux premier frappeur. Et le premier frappeur, un bon premier frappeur des Blue Jays, ça remonte à qui? Ben, c'est des lunes, hein? Oh! C'est un bon premier frappeur. Hey, ça fait un méchant bout là, qu'il n'y a pas eu un bon premier frappeur chez les Jays de Toronto. Oui, tu sais, on a essayé un paquet ces dernières années. On a essayé Pellard. Là, ouais. On donne souvent la chance aux jeunes Cubains. Gourriel. Lourdes, Gourriel, tu sais, de frapper à ce poste-là. Est-ce que c'est un frappeur de premier rang? Je suis pas encore vendu à l'idée, là. Ouais. Moi, je l'aime mieux que ce soit comme 2e frappeur ou encore comme 5e frappeur. Ouais. Parce que c'est un gars qui peut produire des points, mais je doute qu'il ait la vitesse requise pour créer un petit peu d'incertitude dans l'esprit de l'adversaire lorsqu'il est au premier but. Ouais. Jacques, le joueur par excellence dans le monde du baseball, Mookie Betts ou J.D. Martinez? Parce que je pense qu'on a nommé Mike Trout, on a nommé Ozzie Ramirez qui va bien avec les Indians de Cleveland. Par contre, ce qui peut lui nuire, c'est qu'il joue à Cleveland comparativement à l'autre qui joue, les deux jouent à Boston. Tu sais, quelque part, les médias, ça est plus vu. Mike Trout, je sais pas, les Angels sont loin. Ça va être une lutte entre les deux, hein? Ben, ça peut être une lutte entre les deux. Tout ce que je souhaite, c'est que les deux ne divisent pas les votes. Ouais. Et que là, quelqu'un d'autre passe, là, tu sais. Ouais. C'est évident que l'arrivée de J.D. Martinez chez les Red Sox, ça a comblé un très grand vide. C'était Papi qui, tu sais, on n'avait pas de frappeur de puissance depuis le départ de Papi. Mais, par contre, moi, mon cœur penche un peu du côté de Mookie Betts parce qu'il est tellement un joueur complet, non seulement en défensive, ouais. Il vole des buts, il frappe la longue balle. C'est un gars, parce qu'on regarde les points produits de J.D. Martinez, mais on oublie souvent les points que Betts vole à l'adversaire par son jeu en défensive. Effectivement. Alors, t'sais, quand je regarde, puis j'hésite toujours à dire que Martinez, ben c'est juste un frappeur de choix. Parce que, tu sais, il y a des frappeurs de choix qui l'ont eu, ce titre-là. Ouais, ouais, ouais. Mais moi, je pense que la contribution de Matt, si tu parles de l'appellation du trophée, le joueur le plus utile à son équipe, ben, je pense que Betts a peut-être une petite coche en avant de J.D. Martinez, mais il y a un paquet de monde qui vont dire, ben non, Martinez est tout seul. Ouais, ça va être à surveiller, effectivement. Jacques, je veux t'en aller sur un point que... On parle beaucoup du changement qui va arriver dans le monde du baseball, la zone des prises. Mark Griffin, toutefois, dans sa balado-diffusion RDS, parlait qu'il faisait un débat sur la zone des prises informatiques. Ça s'est vu au tennis, ça s'est vu... toi, t'en penses quoi? Moi, là-dessus, je me dis que l'arbitre... les erreurs humaines font partie du baseball. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais à un certain moment, il va falloir que les règles se resserrent. Ouais. Présentement, ce qui nuit beaucoup aux officiels, c'est ce qu'on voit à la télévision. Mm. Tu sais, le rectangle là, qui est censé être la zone des prises du frappeur. OK. Souvent, tu sais, la balle va atterrir à l'extérieur de ce carré-là ou de ce rectangle-là. Et l'arbitre déclare une prise. C'est parce qu'on n'a pas vu toute la trajectoire de la balle. Souvent, la balle va passer au-dessus du marbre avant d'atterrir dans les mitaines du receveur à l'extérieur de cette zone-là. Mais au moment où elle passe au-dessus du marbre, c'est une prise. Alors, tu sais, ça ne rend pas justice vraiment au travail des officiels présentement. D'après moi, ce n'est pas encore assez perfectionné pour qu'on dise oui, c'est dans un avenir assez proche qu'on verra un arbitre avec, tu sais, lui, l'arbitre au marbre, tout ce qu'il aura décidé, ça sera des jeux au marbre et non pas la zone des prises. Mais ça, je pense que c'est pas pour demain. Ah non, c'est sûr que le baseball est tellement conservateur. Comme la durée des matchs, Jacques, t'es-tu d'accord avec moi que le fait que dans le baseball mineur, les lanceurs sont chronométrés, à un moment donné, quand ils vont arriver dans les majeurs, ils vont avoir un beat, puis ça va s'améliorer de par eux-mêmes. Tu sais, exemple, Ryan Barocki, là, qui est arrivé cette année, lui, il lance assez rapidement, et ça, c'est parce que justement, il est chronométré dans le baseball mineur. Moi, je pense exactement. Si tu regardes les jeunes lanceurs qu'on rappelle, là, ne perdent pas de temps au monticule parce que, justement, il y a le chronomètre dans la plupart des stades du baseball mineur. Ouais. Mais par contre, je pense que le baseball majeur et l'association des arbitres devraient émettre un édit aux officiels, dire, écoutez, il y a des règlements dans le livre, appliquez-les. Ouais. Le frappeur qui se retire continuellement du rectangle, là, tant qu'il n'y a personne sur les buts, ça n'a pas sa place. Ouais. Ah. Même si on perd juste 5 secondes à chaque fois qu'il le fait, s'il le fait 3 fois pendant sa présence, tu viens de perdre 15 secondes, là. Mais multiplie ça par le nombre de présences qu'il y a. Alors, tu sais, dans la Ligue CANAM cette année, on a mis les règlements en application. Je vais me dire, c'est facile dans la Ligue CANAM, ils n'ont pas à se battre avec l'association des joueurs ou encore l'association des arbitres. Mais on a réduit la durée des matchs en moyenne de 20 minutes. C'est beaucoup. C'est énorme. Ouais, alors, tu sais, c'est que si le lanceur doit respecter la limite des 20 secondes lorsqu'il n'y a personne sur les buts, et que le frappeur doit toujours avoir au moins un pied dans le rectangle des frappeurs, vous allez réduire la durée des matchs. Parce que moi, la durée des matchs, c'est les pertes de temps. C'est pas accélérer le tempo de la rencontre. C'est des pertes de temps. Là, tu sais, on a déjà éliminé un paquet de visites, soit des joueurs ou des receveurs ou des instructeurs au monticule. Ça, c'est un bon pas dans la bonne direction. Mais par contre, la présence, c'est quand il n'y a personne sur les buts, que le frappeur a un compte complet, ou même s'il y a des coureurs sur les buts, puis que, tu sais, s'il y a un compte complet, pourquoi qu'il se retire du match, du rectangle, puis qu'il regarde l'instructeur au troisième? Quel genre de signal peut-il lui donner? Effectivement. Ça n'a pas sa raison d'être. Ouais. Mais ça, les officiels auraient, en appliquant les règlements à la lettre, le pouvoir de dire, écoute, je t'avertis, là, si tu te retires une autre fois, c'est une prise que je vais appeler contre toi. Puis si le lanceur prend beaucoup, beaucoup trop de temps, tu sais, on le fait au tennis là, pour le service. Là, on a un chronomètre. Et tu dois servir à l'intérieur de quoi, 20 secondes ou 25 secondes. Et on donne des avertissements. Effectivement. Mais ça, à un certain moment, les joueurs vont rentrer dans les rangs. Ben, c'est sûr. Puis, mais la durée des matchs aussi, je pense aussi le fait qu'il est chronométré, les lanceurs vont être chronométrés. Ça c'est une bonne affaire parce que les lanceurs sont habitués de lancer. Ça, c'est un bon point. Mais quand il va y avoir des coureurs sur les buts, ils ne peuvent pas forcer le gars à précipiter son geste. Ouais. Hey, Jacques, en terminant, je sais que t'étais impliqué dans le baseball élite du Québec. Je veux te dire que les Voyageurs de Jonquière ont perdu hier au 7e match contre les Diables. Ouais. Par contre, C'est bon pour le baseball, pareil. Même c'est, si... toute une saison qu'ils ont connue. Ouais. Tu sais, je me souviens, l'an dernier, on avait vu, je crois, c'est Quatico venir de nulle part, puis, tu sais, participer aux séries. Mm. Non, écoute, il y a une bonne évolution, puis je pense que mon collègue Roger Brulotte, qui est président de cette ligue junior élite, est fier de voir certaines équipes qui étaient négligées par le passé refaire surface. Puis ça, je pense que c'est très sain pour la bonne réputation du baseball junior au Québec. En région, c'est plus dur de faire du sport en région, tu dois le savoir, Jacques, aussi, là, que dans la région de Montréal. Hey, Jacques, attends une minute, tu parles de Roger. As-tu déjà venu proche de passer au coup avec Roger? Non, pourquoi? Les Tigers de Détroit, les commentateurs des Tigers. Ah, ben oui. Ben non, mais j'ai connu plusieurs duos. Ah oui? De commentateurs qui, disons, ça, ils n'en venaient pas au coup, mais c'était deux gars qui ne s'aimaient pas, mais ça ne paraissait pas en ondes. Mais de venir, ouais, mais de ne pas s'aimer puis d'en venir au coup. De venir au coup, là, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Et d'ailleurs, je pense que. Ils ont été suspendus, hein? Ah oui, oui. Puis c'est une décision qui mérite d'être soulignée parce que ça n'a pas sa place. J'imagine voir Jacques et Roger qui sont comme deux mari et femme quasiment, qui fait des années, leur venir au coup, mais ça ne marcherait pas. Oh non, on n'est jamais venu proche de ça. Merci on Jacques. On peut pas être d'accord sur cette bonne décision, mais jamais pour en venir au coup. Merci Jacques, on s'en reparle. Notre collaborateur. Salut, Jacques Bouchet.